Alors en ce qui concerne Yves Bonnardel, il est militant depuis 20 ans, hein, déjà pas mal, pour étendre l'idée d'égalité et de considération à tous les êtres sensibles. Il est écrivain, éditeur et collaborateur de la principale revue francophone sur ce sujet. Ce sont les cahiers antispécistes. C'est une revue de théorie morale et d'analyse politique. Il est militant pour un féminisme matérialiste, co-auteur du manifeste pour l'abolition de l'apartheid international, merci, et l'un des fondateurs du collectif d'édition Time Party. Il est également un des initiateurs du mouvement mondial pour l'abolition de la viande et contributeur de la campagne pour l'abolition du traitement pénal des conflits. Également membre du réseau militant contre la domination adulte, on peut citer l'enfance buissonnière. Oui, c'est ça, c'est le nom du réseau. Voilà. Et engagé dans la lutte contre la criminelle politique de la France en Afrique. Donc beaucoup de combats, hein, beaucoup de luttes, et depuis pas mal d'années, et toujours, toujours autant motivé. Ah oui, oui, oui. Ouais. N'hésitez pas. C'est un grand plaisir de se battre contre ce monde. Oui, ça fait plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre vos portables en mode silence. Et puis, donc, il y a bien sûr la conférence. Après, on échangera en questions-réponses sous forme de débat. Et pour ceux qui ont un petit peu de temps après, on prendra plaisir à discuter ensemble autour d'un buffet. Voilà, bonne conférence.